Vous suivez la radio Isanganiro, bienvenue dans ce journal de ce 31 mars et à la une de cette édition. La persécution qui est en train d'être subie par les partisans d'Agathon Rwasa n'a d'autres objectifs que d'étouffer la démocratie au Burundi. Cela est dit par le chef de la coalition d'Amizero ya Barundi qui dénonce les arrestations de ses membres. Vous l'entendrez dans ce journal. Les rivières du nord de la capitale de Bujumbura vont bénéficier des travaux de protection des rives. C'est l'annonce du directeur général de la BOUTIP qui indique que c'est un projet qui a tardé à être mis en œuvre par manque de moyens d'indemnisation de la population. Et 18 millions de frambois, c'est le montant qui risque d'être perdu par les cultivateurs du marais de Ndurumu dans la province de Ngozi suite à des pluies diluviennes qui sont tombées ces derniers jours. Le développement de ces titres, c'est dans ce journal qui vous est présenté par Alida Ndaikeza et la mise en onde est assurée par Jean de Dieu Ndaisenga. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. Commençons ce journal par la page politique. Le député Agathon Rwasa s'inscrit en faux contre les propos du porte-parole du ministère de l'Intérieur qui accuse le président de la coalition Amizero d'avoir adopté une stratégie politique d'intervenir à chaque fois qu'il y ait arrestation de certains de ses membres poursuivis en justice. Le numéro 2 de l'Assemblée nationale indique que les arrestations qui visent ses membres se démobilisent politiques. Il explique cependant que ceux-là qui sont visés sont victimes d'avoir refusé à adhérer au parti CNDD-FDD. Il ajoute que le pouvoir veut étouffer la démocratie pour instaurer le pouvoir monopartite. On l'écoute. Ce que j'en dis, c'est que tout au moins implicitement, il reconnaît qu'ils en abusent. Parce que si nous jouissions de nos droits et de nos libertés, pourquoi ils auraient-ils de stratagèmes pour communiquer? Tout au moins, s'ils pouvaient affirmer ou montrer, parmi tous ces gens qui ont été arrêtés, s'ils pouvaient nous montrer les gens de son parti que nous prétendrions être des nôtres. Là, je comprendrais que ça serait une stratégie politique. Mais c'est une vérité crue et malheureusement, la plupart des fois, les hommes du pouvoir, je ne sais pas s'ils ont honte d'avouer qu'ils ont été fautifs quelque part, ou je ne sais pas si c'est un complexe de grandeur qui fait que l'on croit que les autres ont toujours tort, mais je m'imagine que on devrait peser encore une fois dans la balance et tout au moins reconnaître que les droits et les libertés des citoyens sont bafoués presque au quotidien et chercher à améliorer la gouvernance politique comme ça. Si ces stratégies, qu'on ne me prête pas cette stratégie-là, qu'on respecte les droits des électeurs, et surtout, que l'on sache que lorsque on va dans les institutions, on ne doit pas être esclave de sa formation politique. Mais en emprisonnant les gens, en les arrêtant intempestivement, ils cherchent en fait à faire peur aux gens pour qu'ils adhèrent massivement au sein des DFDD. C'est ça la stratégie qu'ils ont adoptée. Mais malheureusement, c'est une stratégie vouée à un échec parce que ça ne peut que produire le contraire de ce qu'ils escomptent. Parce que quand bien même tout le monde irait au sein des DFDD, je parie que l'esprit serait ailleurs. Donc, j'invite le sein des DFDD à comprendre que la politique, elle est faite pour promouvoir la société, mais pas pour ennuyer l'une ou l'autre personne. Je n'ai pas peur de la situation. Je ne veux pas abandonner la politique parce que je me suis dédié pour cette nation et je dois travailler pour l'intérêt de cette nation jusqu'à ce que je trouve que peut-être je n'ai plus la force de le faire ou alors que je sois satisfait de la façon dont son pays est géré. Aucun membre pro-Agathon Rwasa n'est forcé d'adhérer au parti au pouvoir, rétorque le commissaire à l'information au sein du parti CNDD-FDD. Nancy Ninette Moutoni indique que les arguments avancés par le député Agathon Rwasa ne sont pas fondés. Elle explique que ceux qui adhèrent au CNDD-FDD ne sont intéressés que par le programme de ce parti. Et lancement ce vendredi d'un réseau des jeunes pour une culture de paix par un représentant du premier vice-président de la République. Les festivités de cette journée ont vu la participation de beaucoup de jeunes et ces derniers se disent engagés à mettre en avant la vérité et la réconciliation à travers la paix. Placide Niamongere, qui a couvert cet événement, vient de me rejoindre dans les studios. Bonjour Placide. Bonjour Halida. Comment s'étaient organisées les activités qui marquent le début de ce réseau? Oui, comme tu viens de l'évoquer, cette activité qui visait le lancement de la campagne de la sensibilisation des jeunes pour une culture de paix a été marquée par la présence effective des élèves et écoliers des écoles de la capitale Bujumbura, tous en uniforme. La dite activité, sous la supervision de l'UNESCO et le bureau du premier vice-président, les jeunes réunis au sein de 13 organisateurs regroupant les jeunes disent être engagés à cultiver la valeur de la vérité, réfléchir avant tout ajustement et à s'abstenir d'adhérer au mouvement de violence. Du côté de l'UNESCO, Alida, Félix Yé, directeur régional de l'Afrique centrale, dit que les jeunes sont les piliers du développement durable. Ces derniers, d'après lui, sont évalués à plus de 60% et doivent avoir une culture de paix pour aboutir au dit développement durable. Et pour le gouvernement, Deo B. Dimfoussa, le chef de cabinet à la première vice-présidente, il dit pour lui que les jeunes éprouvent pour le moment des difficultés de manipulation politique suite à la non-scolarisation et au chômage. Et pour le gouvernement, il ne peut pas embaucher tous les jeunes, mais peu d'emplois qu'il y a. Le recrutement, dit-il, Déo, que ce recrutement se fait selon les connaissances et selon les tests. Alida, pour terminer, cette activité a été organisée, bien sûr, dans le but de mettre en place un réseau panafricain dénommé PAYCOP pour une culture de paix en Afrique. Et le Burundi est le deuxième pays africain à lancer cette campagne de sensibilisation des jeunes après le pays de Gabon en 2016. Et pour je signalerai, Alida, que suite peut-être au soleil accablant ou à la fin, plus de 15 élèves ont été évacués par la Croix-Rouge et la police de protection civile après être tombés par terre. Ces élèves commençaient à pleurer. Merci Placide. Nous espérons plus de détails dans nos éditions ultérieures. Isanganiro, la radio de l'avenir. Il est prévu des travaux de protection des rivières du nord de la capitale Bujumbura, ainsi que le quartier Charama et la zone Buterere. Ce projet, qui devait commencer en janvier de cette année, a connu des problèmes, notamment l'indemnisation pour les populations qui doivent se déplacer pour cause de ces travaux. Le directeur général de la BOUTIP, qui exécute ce projet, dit que les travaux proprement dits pourront débuter en mai prochain. Suivez plutôt de Dr Catherine Boutchoumi Sonner, directeur général de la BOUTIP, au micro d'Alain Désiré Oukeyeneza. Le projet d'urgence pour la résilience des infrastructures est un projet du gouvernement du Burundi qui a obtenu un financement de la Banque mondiale à hauteur de 25 millions de dollars. Donc ce projet a deux composantes, à savoir la composante transport qui est exécutée par l'Office des routes et la composante urbaine exécutée par la BOUTIP. Dans cette composante urbaine, on a la canalisation des rivières Gasenyi, Nyabagere et Kinyangonge, l'assainissement du quartier Charama et la protection de la station d'épuration de Buterere, ainsi que la canalisation du canal Kanga-Kinyahonge. Et les travaux étaient censés commencer en début de cette année. Les travaux devront être exécutés dans une période d'un an. Vous dites que le projet devrait commencer très tôt, mais qu'il a tardé. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? Le premier problème que nous avons rencontré dans la mise en œuvre du projet, ce problème concerne les indemnisations. Et donc, c'est-à-dire que lorsque nous payons les indemnisations, nous appliquons la réglementation en vigueur au Burundi. Donc, certaines personnes qui devaient être déplacées ont discuté du montant des indemnisations qui devraient leur être accordées. Nous avons préféré prendre du temps pour que la population comprenne mieux ces aspects. Et donc, maintenant, les lieux sont disponibles disponible. Le deuxième type de problème qu'on a rencontré, c'est la disponibilité du site sur lequel on devait faire un bassin d'écrêtement, c'est-à-dire un bassin de rétention d'eau qui se situe en amont de la station d'épuration de Boutelele. Ce site appartient au CETEMU. Il se trouve que le CETEMU avait aussi un autre projet d'intérêt public sur le même site. Nous avons soumis cette problématique à nos autorités et une solution va être rapidement trouvée pour qu'on puisse commencer les travaux. 5 personnes blessées et 6 maisons détruites suite à des pluies qui se sont abattues sur la colline de Nyamaboko dans la nuit de jeudi à vendredi dans la province de Bujumbura. Ces informations sont de Venant Butoyi, chef collinaire de Nyamaboko. Il indique que ces personnes sont en train d'être soignées et demandent une assistance pour ces victimes. Et les habitants de la colline Gasegni, près du nouveau palais présidentiel qui avait reçu l'ultimatum de quitter cet endroit ce 31 mars, demandent l'accélération des enquêtes pour l'identification de ceux qui ont bénéficié des indemnisations et ceux qui n'en ont pas encore eu. Le ministère de l'Intérieur demande que la question de cette population soit minutieusement étudiée avant la mise en application de cette mesure. Pascal Niyoyahonze. Ce sont les propriétaires des parcelles situées à l'ouest du prochain palais présidentiel qui s'étaient de nouveau rassemblés à cet endroit en attendant la mise en exécution de la mesure de les chasser de cette localité. Ils disent attendre des dromadaires pour la destruction de leur construction. Ils ne savent pas sur quel pied danser car ils n'ont pas encore bénéficié d'indemnisation. Pas d'informations sur l'évolution de la situation, explique cette femme. Pour le moment, nous avons besoin des éclaircissements à cette situation ainsi que l'évolution de ce dossier. Jusqu'à maintenant, nous ne les avons pas encore vus. Ces habitants de Gasegni demandent qu'ils soient rétablis dans leurs droits afin de libérer leur terrain. Mais des informations provenant des services chargés de cette affaire font état d'une éventuelle spéculation de la part de certains d'entre eux qui auraient déjà bénéficié des indemnisations. Ces habitants parlent d'une confusion. Ces habitants d'Ogasegni indiquent que seules les listes peuvent donner plus d'éclaircissements. Le ministère de l'Intérieur, qui avait été saisi par celui de l'Environnement pour contribuer dans cette affaire, demande un peu de patience. Terence Nairaja, assistant du ministre de l'Environnement, demande que cette question soit minutieusement étudiée dans tous ses contours pour éviter qu'il n'y ait des irrégularités. Merci Pascal. Et des pluies diluviennes mêlées de vents violents sont tombées ces deux derniers jours ont endommagé un tiers des 400 hectares de champs rizicoles du marais de Ndurumu en commune Marangara de la province Ngozi. Des eaux de ruissellement ont emporté des pierres, du sable et de la boue pour les déposer sur les champs. L'administrateur communal parle de grandes pertes pour ses cultivateurs qui percevaient environ 18 millions de frambeaux sur ce riz cultivé dans son marais. Apollinaire Muzagara. Ce marais d'Ndurumu est entouré de collines très caillouteuses à forte pente. De pluie diluvienne mêlée de vents violents tombés ces deux derniers jours ont endommagé au moins le tiers des champs rizicoles de ce marais estimé à 400 hectares. Cette partie endommagée est actuellement couverte de boue, sable et de grosses pierres. On ne voit plus de verdure. La population aura aussi du pain sur la planche à distinguer le lopin de terre de l'un ou de l'autre. Actuellement, ce n'est qu'un seul terrain qui sera redistribué avec maintes difficultés selon l'administrateur de la commune Marangara. Emmanuel Natchosanze parle aussi de grandes pertes pour la commune qui a encaissé environ 18 millions de frambous de taxes perçues sur ce riz de Ndurum. De forts vents ont également détruit 11 maisons sur des collines Negisekuro et Kigouf. Parmi ces maisons, des écoles, un centre de santé et une église. L'administrateur de cette commune supplie les âmes charitables de venir en aide à cette population qui risque de mourir de faim suite à ces pluies. Tongozi, Apone Muzagara, Radio Sanganyika. Merci Muzagara. La Confédération des caféiculteurs du Burundi, Senac Murima Wisangi, en collaboration avec Arfic et Inter Café Burundi, annonce aux caféiculteurs qu'il n'y aura plus d'argent cash. Le paiement se fera désormais une ou deux fois au niveau national et dans la même période. Suivez Joseph Nirabama, président de la Senac. Maintenant, il n'y aura pas d'argent cash comme avant. Il n'y aura pas aussi beaucoup de paiements, c'est-à-dire les circulations de balance au niveau de toutes les collines qu'on observait avant. Maintenant, c'est suspendu. Encore une fois, les centres de collecte non demandés par le dépulpeur ne sont pas autorisés. C'est-à-dire que les caféculteurs regroupés au sein des coopératives et d'autres dépulpeurs privés qui veulent faire centre de collecte redemanderont à travers une lettre qu'on adressera à l'ARFIC avec copie pour information au gouverneur de province et à l'administrateur communal concerné. Je voudrais aussi annoncer qu'il y aura des avances parce que maintenant on observe une disette, une famine au niveau des familles caféicoles, c'est-à-dire que les caféicoles auront besoin de petits montants pour payer l'avance. A été mis en avant aussi pour que les caféiers puissent avoir de l'argent dans leur famille. Nous avons décidé de faire deux paiements seulement ou un paiement au niveau national et dans la même période. J'inciterai aussi aux caféiers qui sont regroupés dans les coopératives et qui ne ressemblent pas d'acheminer leur café au niveau des stations de lavage pour avoir un beau café de qualité et pour avoir aussi un meilleur prix. Je dirais aussi que les caféiculteurs ont le droit à 100% d'acheminer le café à quelqu'un qui possède des stations de lavage qui est son partenaire. Des informations disant qu'au Rwanda, ils ont déjà fixé le prix du café cerise, c'est-à-dire 264 francs rwandais, c'est-à-dire plus de 800 francs bout. Cela montre que ils sont prêts à accueillir le café qui proviendra dans notre pays. Et je demanderai aux autorités de nous aider et de travailler en synergie avec les caféiculteurs pour ne pas donner aucun tronçon de fuite du café du Burundi vers d'autres pays limitrophes. Isanganiro. Les prix de certains produits vivriers diminuent peu à peu sur le marché, mais d'autres stagnent encore ou sont même revus à la hausse. C'est au moment où le cultivateur vient de récolter pour la saison culturelle A, laquelle saison s'est malheureusement heurtée aux perturbations liées au changement climatique. Mais tout de même, l'Assemblée nationale vient d'adopter un projet de loi permettant la détaxation de certains produits vivriers provenant de l'étranger. Léonce Vitaliro s'est rendu ce vendredi au marché dit Bujumbura City Market, appelé communément chez Sion, sans reportage. Dans le marché appelé communément chez Sion, l'on pourrait citer entre autres produits vivriers dont les prix ont chuté, le haricot dit Kirundo qui s'achète à 1500 francs le kilo alors qu'il était à 1700 francs. Le haricot jaune qui était à 2500 francs burundais s'achète actuellement à 1800 francs le kilo. Le riz ordinaire qui était à 2500 francs est aujourd'hui à 2000 francs. Le riz tanzanien se vend à 2700 francs contre 3200 il y a un mois. Le prix de farine de manioc n'a pas changé, 1600 francs burundais le kilo. Celle en provenance de l'Ouganda s'achète à 2000 francs, mais il y a des commerçants qui parlent de 2200 francs burundais. Parmi d'autres produits qu'on n'évoque pas souvent, l'on citerait notamment l'oignon, dont le prix a grimpé, passant de 700 à 1200 francs burundais le kilo. Ces variations ont eu lieu entre février et mars, selon les commerçants. Pour le Ndagala, les commerçants disent simplement qu'aujourd'hui, il se vend à 28 000 ou un peu moins, jusqu'à 26 000 francs burundais le kilo. Et pour le revoir en baisse, dit-on, il faut patienter jusqu'au mois de juin ou juillet prochain, au plus tôt. La saison culturelle A n'a pas été des plus souriantes pour les cultivateurs avec la perturbation du climat. L'Assemblée nationale l'aurait constaté et elle vient de voter un projet de loi permettant la détaxation de certains produits vivriers provenant de l'étranger. Certains étudiants de l'Université du Burundi n'ont pas vaqué à leurs activités, cela depuis ce jeudi. Ils réclament la libération de deux de leurs délégués arrêtés depuis ce mercredi. La police confirme l'arrestation de ces deux étudiants. Pierre Ngurikiye, porte-parole de la police, fait savoir qu'ils sont auditionnés sur un probable mouvement insurrectionnel qu'ils sont en train de préparer au sein de l'Université du Burundi. Les autres étudiants précisent qu'ils ne réclament que la révision du nouveau système d'octroi de la bourse. Et à l'école normale supérieure, là aussi, très peu d'étudiants se présentent aux auditoires depuis vendredi dernier. Ils demandent la révision de la même mesure. Les policiers qui font le contrôle routier à Muriza, en commune Butagandwa de la province Ruigi, ont fait sortir du véhicule de l'agence Memento ce jeudi soir trois femmes et des hommes tous de nationalité congolaise. Le motif de cette action est que ces Congolais aient présenté des cartes CPGL comme pièce d'identification. Les policiers accusaient ces ressortissants congolais de se rendre au camp des réfugiés congolais de Bwagiriza alors qu'ils ne sont pas réfugiés. Ces Congolais ont donné des explications et ont été relâchés par après. Le commissaire de la police, Aruigi, fait savoir que tout passager détenteur d'une carte CPGL authentique a le droit de circuler librement sur tout le territoire burundais. Dernier élément de ce journal en bref, la famille des médias a appris avec une immense tristesse le décès de Laurent Sadou, une grande voix de la RFI à l'âge de 51 ans. Présentateur historique d'Afrique Midi notamment, après avoir été aux manettes des éditions de la matinale, Laurent Sadou racontait l'information comme nul autre. Laurent Sadou le disait lui-même, il a invité les auditeurs dans Afrique Midi, une édition qu'il a présentée durant 15 ans. Il traitait donc ses auditeurs comme on traite des invités, c'est-à-dire avec respect, en leur donnant le meilleur de lui-même. Lorsqu'il préparait les journaux, on l'entendait souvent plaisanter et répéter à voix haute ses formules, des formules qui ont fait sa célébrité. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie, travaillons à la beauté des choses. La radio Isanganiro présente toutes ses condoléances à la famille des journalistes, précisément à ceux de la radio France internationale. Et c'est par ici que nous clôturons ce journal. Merci pour votre attention. Merci également à Jean de Dieu Ndaïsenga pour sa collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Alida Ndaïkeza. Bon après-midi à tous.